Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous, et bonjour à vous Jean-Luc Godard. La télévision fait du sous-reportage, si tu veux, qui croit que d'enregistrer un plan comme ça, ça le fait exister. Moi je pense que ça le fait oublier aussitôt. La télévision fabrique de l'oubli, le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs. Et bienvenue sur les chemins de la philosophie où depuis lundi, de Nietzsche au pardon, nous parlons, nous aussi, comme Godard, de souvenirs et d'oubli. Mais ni télévision, ni cinéma, nous tentons de fabriquer plus que des souvenirs ou de l'oubli, des souvenirs de l'oubli à écouter et à réécouter. Et pour finir en beauté, c'est avec un autre cinéaste que nous allons cheminer aujourd'hui avec Alain René. Souvenez-vous. Ah, on sait ce qu'on va en finir avec ce passé. C'est déjà fait. C'est horrible. Ton Alphonse a peur. Je commence à moins bien me souvenir de toi. Nous avons tous peur. Oui, mais quand on a peur, on oublie. Je vous en veux, Hélène. Souvenez-vous. Tous ces souvenirs. Je ne sais pas de quelle chambre vous parlez. Je n'ai jamais été avec vous dans aucune chambre. Je ne voulais pas vous souvenir. Parce que vous avez peur. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Souvenez-vous. Mais semblez guère vous souvenir de moi. Je commence à t'oublier. Je tremble d'avoir oublié tant d'amour. Je ne me rappelle plus ce que c'était. Je ne me souviens plus de ce que nous avons dit ensuite. Hélène, je voulais justement t'écrire pour te dire d'oublier tout ce qui s'est passé entre nous. Dans quelques années, quand je t'aurai oublié, souvenez-vous, je me souviendrai de toi comme de l'oubli, de l'amour même. Regarde comme je t'oublie. Je penserai à cette histoire comme à l'horreur de l'oubli. Regarde comme je t'ai oublié. Regarde-moi. Bonjour Suzanne Liandraguigue. Bonjour. Vous êtes professeure émérite en études cinématographiques à l'Université Paris 8, spécialiste de Visconti, mais vous connaissez aussi très bien Alain René, puisque l'on vous doit Alain René, Liaison secrète, Accord vagabond, que vous avez coécrit avec Jean-Louis Letra, et c'est disponible aux éditions des Cahiers du cinéma. Alors on vient d'entendre un montage de notre réalisateur Thomas Beau de trois films d'Alain René, Hiroshima mon amour, Muriel ou Le temps d'un retour, et l'année dernière à Marienbad. On a entendu l'omniprésence de l'oubli dans ces trois premiers films d'Alain René, et pourtant on a plutôt tendance à voir Alain René comme un cinéaste de la mémoire ou de l'histoire. Est-ce un malentendu ? Un malentendu, pas exactement, disons plutôt que oubli, mémoire, histoire, retour, c'est un terme aussi important, ou bien réminiscence et passé d'une façon générale. Moi je dirais plutôt que ça confectionne une constellation du temps. Une constellation changeante, une constellation suffisamment mouvante pour qu'elle puisse justement accueillir toutes les variations apportées par Alain René au long de sa filmographie à ces différentes notions. Alors, est-ce que l'oubli, on le retrouve plutôt au début de la filmographie d'Alain René, ou est-ce que c'est un thème qui a traversé, on peut dire, jusqu'à ses derniers films? On a en tête, on connaît la chanson, a priori, on ne voit pas trop s'il est question d'oubli dans ce film. C'est plus frappant peut-être dans Hiroshima mon amour ou dans l'année dernière à Marienbad. Oui, peut-être que la fréquence du mot lui-même est un peu différente d'un film à l'autre, mais que ce soit un fil important de la filmographie rénésienne, je crois qu'il n'y a pas de doute. Et pour en donner un très rapide aperçu, comme ça, sans faire un exposé complet de son travail, pensez à Je t'aime, je t'aime, c'est un film qui prend ironiquement le détour d'une machine à remonter le temps complètement invraisemblable, avec une forme dont aucune science-fiction ne voudrait, pour justement tourner en dérision le rapport au geste de remonter le temps qu'on attache souvent à la question du passé, du souvenir et donc de l'oubli. Finalement, dans Je t'aime, je t'aime, on va se trouver devant des plages continues de temporalités variées qui s'entremêlent différemment ou se succèdent, etc. Mais si on pense à d'autres aspects de la filmographie, je me rappelle Mon oncle d'Amérique, qui est un film qui mêle trois... Qui date de 1980. Oui, qui mêle... Donc on avance un petit peu sans que ce soit une avancée, n'est-ce pas ? Il n'y a pas progrès dans la création d'un artiste. Mais à ce moment-là, on a affaire à trois personnalités qui recouvrent trois classes sociales, qui permettent aussi que s'entrelacent de nouveau trois couches de temporalité. société et trois aspects différents de la société. Puis tout à coup, on se dit, mais pourquoi mon oncle d'Amérique? Enfin, alors qu'il n'est jamais question de l'Amérique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et comme si René voulait, parce qu'il ne faut pas oublier la dimension d'humour chez ce grand cinéaste, malgré le sérieux des thématiques qu'il aborde, comme si tout à coup il voulait nous faire un clin d'œil, il dit « Ah, j'ai oublié l'Amérique !» Et donc il va, dans les dernières minutes du film, faire un parcours merveilleux à travers des immeubles de New York et terminer le film sur un arbre peint par Alan Sonfist, un des premiers land art artistes, si l'on peut dire, et où du coup arrive l'Amérique, alors qu'on en avait un peu comme de manière inattendue, un peu de façon imprévisible, comme une ouverture à quelque chose qui ne s'impose pas, puisque on a plutôt parcouru des zones de la France, soit traditionnelles, soit bretonnes, soit enfin etc., qui fait le contenu des trois histoires dont on vient de sortir en fait, et on fait une sortie vers quelque chose qui semble donner un sens au titre, mais assez peu d'ailleurs. Et ainsi de suite. Vous n'avez encore rien vu est aussi un film des derniers temps où, à l'évidence, on retrouve trois d'ailleurs générations, tu n'as rien vu à Hiroshima. Voilà, on retrouve des choses comme ça. Le terme de voir, qu'est-ce que ça désigne? Que peut-on voir? Qu'est-ce que l'être humain est capable de percevoir? De quoi est faite, en définitive, sa relation au monde, à la réalité et au temps? Il me semble que René ne cesse de nous dire, eh bien, cette relation, c'est une traversée à gué. Et un gué, on sait ce que c'est, on privilégie quelques éléments émergents pour traverser, n'est-ce pas? Et souvent, on est amené à oublier tout le reste, quoi. Sauf que René ne cesse de nous dire que cette traversée à gué suppose aussi, il faut l'admettre, que les éléments émergents et les éléments oubliés ne sont pas les mêmes, changent, se modifient. En 1956, sortent deux films, deux courts-métrages d'Alain René, c'est « Toute la mémoire du monde » et « Nuit et brouillard ». Ses premiers films, ses premiers longs-métrages, « Hiroshima, mon amour », c'est en 1959. L'année dernière à Marienbad, c'est 61 et « Muriel ou le temps d'un retour », c'est en 63. Ses premiers courts-métrages et ses premiers longs-métrages traitent de la grande histoire. On a du mal à comprendre en quoi René pouvait peut-être refuser d'être vu comme un cinéaste de la mémoire, alors même qu'il traite de cette grande histoire. Alors on pourrait, puisque j'ai évoqué une constellation du temps chez lui et dont les divers films tentent plus ou moins de dire ou de s'inscrire différemment dans cette constellation, on pourrait dire qu'il y a un versant assez clair à ce rapport qu'on a déjà bien exposé au cours de la semaine, à savoir oubli et mémoire sont véritablement comme les deux faces d'une même médaille ou comme on voudra, peu importe la métaphore. Eh bien, peut-être qu'à un moment donné, René tente d'aborder le problème par le biais de l'histoire, de la grande histoire, comme vous venez de dire à l'instant. Alors, toute la mémoire du monde n'est pas la grande histoire, c'est plutôt un endroit où sont consignées les mémoires, puisqu'il s'agit de la Bibliothèque nationale, qui est représentée par René comme une sorte de vaste cerveau. Parmi aussi les éléments de cette constellation, il y a bien sûr le fait qu'on l'a comparé à un cinéaste du cerveau, par exemple, outre l'oubli, mémoire, etc., dont nous avons déjà parlé. Mais les autres, bien sûr, Nuit et brouillard, Hiroshima, mon amour, Muriel ou le temps d'un retour, que vous avez mentionné, sont des films qui osent se coltiner à l'histoire, et évidemment pas l'histoire la plus simple, la plus anodine, il faut bien le remarquer, ça aussi. Alors très différemment peut-être d'un film à l'autre, mais avec une constante qui est la forme que René donne à ses films. Tout film est une machine à oublier, nous le savons bien, Godard l'a dit, on l'a entendu en ouverture, puisque finalement il peut permettre au spectateur de s'oublier lui-même, on parle d'évasion, de distraction, de divertissement pour le fait d'aller au cinéma, mais aussi la facture même d'un film suppose par le cadrage, le montage, l'écoulement temporel dont il est évidemment le support, un jeu constant avec l'apparition, la disparition, avec ce qu'on a relégué, ce qu'on ne fera pas rentrer dans l'image ou dans le son, etc. Or, René s'empare de ces spécificités du langage cinématographique ou de l'expression cinématographique pour travailler sa propre conception du rapport mémoire, souvenir, oubli. Le cinéma s'y prêtera donc tout particulièrement, mais il faut encore qu'il y ajoute sa patte, c'est-à-dire sa facture particulière, singulière, quoi. Je vous propose qu'on découvre cette patte particulière d'Alain René en écoutant un premier extrait de Hiroshima, mon amour. Écoute-moi. Comme toi, je connais l'oubli. Non, tu ne connais pas l'oubli. Comme toi, je suis douée de mémoire. Je connais l'oubli. Non, tu n'es pas douée de mémoire. Comme toi, moi aussi, j'ai essayé de lutter de toutes mes forces contre l'oubli. Comme toi, j'ai oublié. Comme toi, j'ai désiré avoir une inconsolable mémoire, une mémoire d'ombre et de pierre. J'ai lutté pour mon compte, de toutes mes forces, chaque jour, contre l'horreur de ne plus comprendre du tout le pourquoi de ce souvenir. Comme toi, j'ai oublié. Pourquoi nier l'évidente nécessité de la mémoire. Suzanne Liandra-Guigue, on vient d'entendre donc un premier extrait de Hiroshima, mon amour. C'est le premier long métrage d'Alain René qui date de 1959. Ce film raconte la rencontre foudroyante entre une actrice française venue tourner un film à Hiroshima et un architecte japonais. Et lors de leur nuit d'amour, se télescope sa première histoire d'amour à elle avec un soldat allemand et le souvenir pour lui d'Hiroshima, de la bombe. On voit bien que s'entremêle ici ce que vous disiez, l'oubli et la mémoire, à la faveur d'une rencontre, le passé rejaillit sans même qu'on ait voulu le solliciter. Oui, alors ça serait peut-être une définition proche de ce qu'on entend par réminiscence. Depuis Proust et la recherche du temps perdu, nous savons que la réminiscence fonctionne par le biais de quelques supports souvent inattendus, objets matériels, odeurs, teintements... goût, saveur, hein, et de manière extrêmement déplacée. Hein, ce qui est remarquable dans le travail que propose justement la recherche du temps perdu, c'est de nous faire comprendre que à partir d'une tasse de thé, c'est le souvenir du tilleul, au contraire de la tante Léonie, qui revient. Donc le déplacement est très important. Il faut surtout pas essayer de se consoler ou de se, comment dire, plutôt de se concentrer sur ce qu'il y aurait de ressemblance entre les temporalités. C'est la différence qui est déterminante. Et j'en veux pour preuve que dans les échanges entre le japonais et la française, démarre le temps de la réminiscence à partir d'un geste très ténu. C'est souvent la finesse d'ailleurs du point de départ de la réminiscence qui est à retenir, sa subtilité si vous voulez, un petit peu comme chez Proust. Et si vous vous rappelez, c'est le moment où le japonais, sans doute après l'amour, est couché sur le ventre, son bras est encore allongé sur le lit, non loin de lui, et un frémissement fait bouger l'un de ses doigts de sa main. Et c'est ce qu'observe Emmanuelle Riva, qui interprète la française, alors qu'elle est sortie sur la terrasse de la chambre d'hôtel. Elle est saisie par ce petit mouvement et lui revient à ce moment-là, en une sorte de flash, la mort du soldat allemand qui a été son premier amour et qui est lui couché sur le dos à ce moment-là. On le voit clairement, en tout cas René a bien conscience qu'il faut introduire cette différence. Il est couché sur le dos et sa main est donc pas du tout posée de la même façon que celle du japonais, même si elle aussi est saisie d'un petit tremblement parce qu'il n'est pas encore mort au moment où la jeune fille le rejoint sur le quai de la Loire à Nevers dans cette histoire. Donc ça c'est très important, tous les écarts que l'on peut percevoir dans ce qui va permettre que Nevers rejoigne le temps présent de Hiroshima. Et ce que René essaie de faire, c'est de montrer que Nevers n'est pas dans le passé. Ça, c'est une idée extrêmement hardie, parce qu'elle va contre notre conception de l'histoire, et même de ses événements, bien évidemment. Nous savons que l'occupation, c'est en France, disons, 1942, et jusqu'à la fin de la guerre, et alors que Hiroshima, mon amour, c'est un film qui se situe dans les années 50, à un moment où les manifestations lèvent un peu partout dans le monde, contre la bombe atomique, celle d'Hiroshima, puis celle de Nagasaki. N'oublions pas qu'il y en eut 2 à 3 jours de distance qui ont été lâchés par les Américains sur le Japon. C'est quand même un événement assez remarquable, y compris dans sa répétition, et que beaucoup de mouvements naissent à la fin des années 50, au point que le personnage interprété par cette Française est censé être une actrice qui joue dans un film pacifiste pour la paix, etc. Alors, tout ça fait partie du socle de l'histoire, si l'on veut que véhicule ce film. Mais on pourrait ajouter aussi que si la grande histoire est présente de 2 façons différentes, elle l'est justement différemment. Car Hiroshima est un événement, si j'ose dire, massif. Enfin, je ne veux pas être grossière, mais c'est une bombe, une explosion. C'est tout ce qu'on peut imaginer de plus retentissant. Tandis que l'épisode qui marque la vie de la jeune fille qu'elle fut, son épisode d'amour allemand, est un épisode beaucoup plus ténu dans la grande histoire. Relativement, je veux dire. C'est le moment de la libération où certains vont pratiquer ce geste qui consiste à tondre les femmes qui avaient été, comme on dit, en relation avec des Allemands, ce qui fut son cas à elle aussi. Mais ça ne fait pas partie de ce que, je dirais, représente véritablement en 1959 le grand récit de la Seconde Guerre mondiale. L'épuration, ces gestes-là, si vous voulez, et d'autres qui eurent lieu en effet, sont assez occultés, ils font partie d'une sorte d'oubli dans le panorama de la Seconde Guerre mondiale. C'est important à percevoir cela. Donc quelque chose qui est de l'ordre d'un oubli au sein même de la grande histoire, un oubli relatif. En fait, il faudra attendre le film de Marcel Ophuls, Le chagrin et la pitié, et les années qui vont suivre, le début des années 70 tout de même, pour que se renouvelle cette connaissance, cette mémoire-là, notamment de ces gestes, entre autres, de boutiquier, dit Alain Resnais, car il ne pense pas du tout que ce soit des gestes qui furent faits par les résistants, mais plutôt par les boutiquiers qui tout à coup se parent de vertu et de patriotisme, alors que sans doute ils en ont fait peu preuve au cours de l'occupation elle-même et se vengent en quelque sorte en tondant ces femmes qu'il est facile d'hypostasier. Vous avez employé le terme de déplacement en parlant de Proust, et on peut dire que c'est ce que fait Alain Resnais avec Hiroshima, mon amour, c'est-à-dire non pas nous imposer un récit, non pas vouloir faire un travail de mémoire, mais faire surgir un souvenir pour le spectateur. Au fond, il a sans doute comme idée que le souvenir est nécessairement présent, que l'oubli appartient au présent. Et ça, c'est une chose que il faut que nous fassions effort pour l'accepter. Or, que nous montre le film? Que sans Hiroshima, c'est-à-dire ce présent-là contemporain, il n'y aurait pas Nevers. Ça, c'est quand même une des choses que dit le film dans sa facture. Alors, il ne nous est pas interdit ensuite de remettre les choses en place et se dire que 1942, c'est pas pareil que ce film tourné à Hiroshima en 1958-59, puisque le film coïncide à peu près avec le moment du tournage, n'est-ce pas? Ça, c'est très important à percevoir, parce que Resnais veut se battre pour cette définition-là, et il le fera à plusieurs reprises, dans Muriel ou le temps d'un retour, où on verra cela aussi, il veut dire que l'oubli est dans le présent, alors qu'on voudrait que l'événement qui le constitue soit nécessairement attaché au passé, ce que fera le travail de la mémoire. Mais le souvenir est beaucoup plus un état qu'un acte, comme l'est la mémoire. La mémoire met en ordre. Au besoin, elle date. Elle attribue des circonstances. Elle redistribue dans le temps. Elle redistribue dans le temps. Elle fait presque un travail d'historien, admettons cette comparaison. Alors que le souvenir est beaucoup plus flottant, il appartient à cette zone qui est l'oubli, qui double la mémoire. Ce sont comme les limbes de la mémoire. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils ont cette propriété-là qu'ils peuvent ressurgir dans le présent. Et faire souffrir, d'ailleurs, dans le présent. Ça, c'est très remarquable. tandis que mon corps s'incendie déjà à ton souvenir, je voudrais revoir Nevers, la Loire, peuplier charmant de la Nièvre. Je vous donne à l'oubli. Histoire de 4 sous. Je te donne à l'oubli. Une nuit loin de toi, et j'attendais le jour comme une délivrance. Un jour sans ses yeux, et elle en meurt. Petite fille de Nevers, petite coureuse de Nevers. Un jour sans ses mains, et elle croit au malheur d'aimer. Petite fille de rien, morte d'amour à Nevers. Petite tendue de Nevers, je te donne à l'oubli, ce soir. Histoire de 4 sous. Comme pour lui, l'oubli commencera par tes yeux, pareil. Puis comme pour lui, l'oubli gagnera ta voix, pareil. Puis comme pour lui, il triomphera de toi tout entier. Peu à peu, tu deviendras une chanson. Suzanne Liandagui, on vient d'entendre encore un extrait d'Hiroshima, mon amour. Vous avez choisi cet extrait où on y entend Emmanuel Riva prononcer cette histoire de 4 sous. Cette histoire qui ne vaut presque rien, qui n'est presque rien dans cette grande histoire. Dans la grande histoire, évidemment. Et c'était accompagné, vous l'avez peut-être reconnu, du thème musical dit de l'oubli, qui apparaît dès le générique du film, pour situer un petit peu le souvenir musical dans le temps du film. Or, c'est un moment merveilleux de finesse de la part du travail de montage, on va dire, hein, puisque à ce moment-là, Emmanuel Riva, ou la française, si l'on préfère, a entrepris une déambulation nocturne dans la ville d'Hiroshima. Au début, elle est un peu suivie par le japonais qui voudrait la retenir, qui lui demande de rester à Hiroshima. Et puis petit à petit, il ralentit, ou du moins l'écart se creuse entre leurs pas et leur déambulation, jusqu'à ce que le japonais semble même disparaître de l'image, voyez, alors qu'elle demeure encore un peu. Mais au fur et à mesure que se développe ce beau montage, nous assistons à une intrication merveilleuse des plans de Nevers dans les plans de la marche d'Emmanuel Riva dans Hiroshima. La contemporanéité est évidente à ce moment-là. C'est véritablement ce que René cherche à produire comme effet et puis même comme réflexion. C'est parce que Hiroshima a existé, si j'osais dire même, parce que Hiroshima a été un moment heureux pour cette Française. Il y a une sorte d'amour, en effet, qui est né entre le Japonais et elle. Un moment éblouissant, sans ombre. On sent qu'ils se sont très très bien accordés, etc. Que revient Nevers, qui fut un moment éblouissant pour elle aussi. La découverte de l'amour. La découverte de l'amour. Et du coup, les deux peuvent marcher véritablement ensemble, c'est le cas de le dire, puisque René prend la peine de nous faire déambuler la jeune femme à proportion de travelling qui sont parfaitement étudiés. Ce sont des travelling qui sont les mêmes, qui permettent de parcourir la même vitesse, la même cadence, vous voyez, qui parcourent les rues d'Hiroshima ou qui parcourent les lieux de Nevers. Il y a 12 plans sur Hiroshima et 8 plans sur Nevers. Vous voyez que l'encastrement se fait de façon quand même bien réfléchie, enfin bien harmonieuse. C'est le même rythme de travelling, la même vitesse. Et c'est en outre un point de vue un peu inattendu pour un travelling. Ce qu'on appelle souvent un travelling d'accompagnement accompagne une action. Le fait qu'elle marche, on devrait avoir son point de vue à elle, en quelque sorte. Ce serait l'usage le plus fréquent du travelling. Or là, le travelling est légèrement à hauteur supérieure à la hauteur d'homme, enfin même si c'est une femme en l'occurrence, hein. Et donc ce côté un peu qui vise le sommet des façades ou voire les toitures ou le haut des enseignes à Hiroshima donne un aspect flottant à toute cette déambulation, la déconnecte de l'histoire du temps. On retrouve l'idée de que vous disiez de flottement, oui. D'histoire subjective à sa hauteur, mais légèrement décalée. Elle est légèrement déplacée, et ce qui nous permet aussi peut-être de dire que Alain René est un metteur en scène de l'oubli ou du déplacement, du décalage, on pourrait dire, et qui se traduit par ce travelling-là. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut mettre en scène l'oubli ? C'est-à-dire parce que le travelling va permettre l'absorption d'un temps dans un autre temps. Les deux nappes de passé, alors pour le coup, ce sont les termes utilisés par Gilles Deleuze, les deux nappes de passé vont s'harmoniser, vont véritablement coïncider, et que cette procédure, si vous voulez, stylistique, admettons, ou cinématographique, plus simplement, vont presque à l'encontre d'une idée plus générale de qu'est-ce que c'est que le souvenir. Ben, c'est quelque chose qui est relégué dans le temps, là-bas, en un moment précis, spatio-temporel même. Au besoin, Nevers ne peut pas être Hiroshima, et bien justement il dit que si l'oubli a une telle puissance, si les souvenirs sont parfois traumatisants ou tout simplement véritablement facteurs de grands tremblements de l'être, c'est parce qu'ils sont présents. Il y a une interpénétration entre le présent, futur et le passé. Il n'y a plus d'histoire même au sens narratif, c'est-à-dire que l'histoire, il n'y a pas le présent avec quelqu'un qui se souvient du passé et de ses souvenirs. Il n'y a plus une narration linéaire, même dans le film. Là, vous parlez de hiérarchie, pourrait-on dire. Parce qu'il est possible, c'est ce que voudrait nous faire comprendre René, que le souvenir de Nevers ne soit pas aussi rigoureusement exact que ce que présentent les images et la parole, pourrait-on dire, de la française. Il est possible que Nevers se trouve complètement délesté de tout ce qui pesait, de tout ce qui était danger, de tout ce qui était peur, de tout ce qui était même furtif, cachette, de se dissimuler, tout ce qui était la part d'ombre de cette histoire du premier amour, parce que Hiroshima, la rencontre avec le japonais, a éclairé en elle ce que c'est que l'amour, l'a rendu beaucoup plus lumineux. Il est fort possible qu'Hiroshima agisse sur la perception de ce premier amour. Et transforme amour le passé. Et le transforme pour mieux justement le recevoir dans ce présent. L'un et l'autre se colorent de propriétés dont on pourrait dire qu'elles ont quelque chose de commun qui les rassemble, mais qui n'est pas absolument sûr que ce soit, allez, je vais le dire, la vérité. Le terme est toujours un peu gênant. Voilà, c'est peut-être vrai qu'il y a eu d'autres choses à Nevers, plus sombres, mais à ce moment-là, c'est Hiroshima qui transfigure Nevers. Je vous propose, Suzanne Liandraguic, de poursuivre dans la filmographie d'Alain René et de passer à Muriel ou Le temps d'un retour, où on retrouve aussi un entremêlement entre le passé, le présent et l'avenir. N'attendez pas demain, participez dès aujourd'hui à notre grand concours « L'avenir est à nous ». Puis nous serions partis pour l'Afrique. Je vais partir pour la Nouvelle-Calédonie. Je pars pour Montevideo, j'ai reçu la lettre de la Transat. Quand je serai plus vieux, je vais faire ce qui me plaît. Ben, vous savez, il y en a des choses dont on ne se doute pas. Quand on se met à creuser... C'est moi qui croyais qu'on ne savait plus rire. Mais Simone est mort. Mais non. Qui vous a dit que... Ton ami soupçonne des choses graves à ton sujet. Nous nous soupçonnons tous les deux, c'est ça qui est grave. 15 ans d'Afrique du Nord. Les plus belles années. J'ai donné le meilleur de moi-même. Comme en 45, il vous a pas dit qu'il était agent secret ? Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, et c'est le dernier temps de notre semaine sur l'oubli. Aujourd'hui, l'oubli chez par Alain René, en compagnie de vous, Suzanne Liandraguic. On vient d'entendre Muriel ou Le temps d'un retour. Ce film date de 1963. On vient d'entendre la bande-annonce, un extrait de la bande-annonce, parce que la bande-annonce dure presque 4 minutes. Et on entend exactement ce qui se passe dans ce film, à savoir un entremêlement de personnages, un entremêlement de récits où le passé, le présent et le futur sont complètement indistincts, incertains, et d'ailleurs, à l'image, sur cette bande-annonce, apparaissent les termes « avenir », passé, présent, incertitude, soupçon, mensonge. On voit bien que René abandonne complètement l'idée d'une grande histoire linéaire, d'une narration classique, pour effectivement une confusion entre les identités des personnages, les identités des voix, des lieux, de la temporalité. Et là, on n'a ni oubli, ni mémoire. On a plutôt une sorte de temps disparate qu'il s'agit de reconstituer, et c'est au spectateur de le faire. Oui, on pourrait dire que cette bande-annonce est à l'image du montage du film. On pourrait croire que c'est une propriété de la bande-annonce de faire vite et d'aller recueillir comme ça quelques éléments disparates. Mais en vérité, elle ne fait que mimer le montage du film qui ne cesse d'être dans la discontinuité. Il n'y a pas montage plus fragmentaire, peut-être, que celui de Muriel ou Le Temps d'un retour. Et par fragmentaire, je veux dire non seulement des découpes, on coupe la parole, une question posée par quelqu'un ne recevra pas de réponse, un geste ne sera pas suivi de son action, enfin, etc. C'est un émiettement formidable. Le spectateur est complètement perdu. Tout le temps et en permanence. Il y a d'ailleurs une sorte de suspense quand on regarde ce film qui est, on se demande qui est fou. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va avoir à la fin du film la solution au problème. Qui est fou? Qui a raison? Qui a tort? Qui détient la vérité sur une histoire qui se serait passée entre les personnages? Et rien n'éclate. René nous frustre sur ce point. Bien sûr, parce que le fragment n'est pas à confondre avec le détail ou la partie qui, eux deux, supposent un tout constitué, peut-être préalable d'ailleurs. Le fragment, non, il existe justement dans son isolement propre. Et jamais peut-être ne raccorde-t-il avec quelque chose qui serait de l'ordre d'une histoire continue, d'une linéarité à reconstituer ou je ne sais trop quoi de cet ordre. C'est formidable de ce point de vue-là combien le montage adopté par René, où là, cette fois-ci, il se passe du travelling dans lequel il avait excellé pour Hiroshima, mon amour, le fragment suffit là pour qu'il réalise ce qui lui paraît être justement cette discontinuité constante des relations à la réalité, au monde et au temps. Mais il y a aussi une discontinuité de la mémoire parce qu'on a l'impression que la mémoire n'est jamais uniforme, n'est jamais partageable, communicable. Personne n'est d'accord sur le récit. On ne sait même pas de quoi il est question. Bien sûr. Or, pourtant, comme vous l'aviez rappelé au début de notre rencontre, il est bien question quand même de la grande histoire. Celle dont les historiens, généralement, nous apprennent à constituer la continuité, les relations logiques, l'avant, l'après, le passé, le présent, le futur, enfin, la mise en ordre à laquelle souscrivent, en effet, la plupart des travaux concernant la Seconde Guerre mondiale. Oui, voilà, parce qu'il faut le... Ou concernant la guerre d'Algérie. Le problème avec René, c'est qu'il mêle des temporalités, voire des guerres, si j'ose dire, qui ne sont pas si rapprochables que ça, du point de vue d'un travail d'historien un peu rigoureux. Oui, parce que je ne l'ai pas rappelé, mais Muriel ou Le Temps d'un retour, ça se passe à Boulogne-sur-Mer, où on voit les ravages de la guerre. Il y a de l'architecture contemporaine et de l'ancienne architecture, donc une architecture qui avait été détruite et renouvelée, bombardée. Et puis, il y a le récit de Bernard, qui est le beau-fils donc d'Hélène, qui est interprété par Delphine Seyrig. Et on va entendre tout de suite cet extrait. Bernard raconte la rencontre de Muriel et il fait part d'un pan de l'histoire qu'il a vécu sur le mode subjectif, mais qui fait partie de la guerre d'Algérie. De la grande histoire, c'est la guerre d'Algérie, dont on cache, la censure impose de cacher la relation à la torture. Personne n'avait connu cette femme avant. C'est en approchant de la table que je butais sur elle. Elle avait l'air de dormir, mais elle tremblait de partout. On me dit qu'elle s'appelle Muriel. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne devait pas être son vrai nom. On était bien cinq autour d'elle. Il fallait qu'elle parle avant la nuit. Robert s'est baissé, elle a retourné. Muriel a gémi. Elle avait mis son bras sur ses yeux. On la lâche. Elle retombe comme un paquet. C'est alors que ça recommence. On la tire par les chevilles au milieu du hangar pour mieux la voir. Robert lui donne des coups de pied dans les hanches. Les lèvres sont gonflées, pleines d'écume. On lui arrache ses vêtements. Un bras est comme tordu. Il faut en finir. Même si elle avait voulu parler, elle n'aurait pas pu. Je m'y suis mis aussi. Robert allume une cigarette. Il s'approche d'elle. Elle hurle. Alors son regard m'a fixé. Puis elle a fermé les yeux. Puis elle s'est mise à vomir. La nuit, je suis revenu la voir. J'ai soulevé la bâche. comme si elle avait séjourné longtemps dans l'eau. Comme un sac de pommes de terre éventré. Avec du sang sur tout le corps, dans les cheveux, des brûlures sur la poitrine. Les yeux de Muriel n'étaient pas fermés. Ça ne me faisait presque rien. Peut-être même que ça ne me faisait rien du tout. J'ai été me coucher. J'ai bien dormi. Le lendemain matin, avant le salut aux couleurs, Robert l'avait fait disparaître. Ben, vous savez, il y en a des choses dont on ne se doute pas. Quand on se met à creuser, moi, je ne sors jamais de mon trou. Quel extrait bouleversant. Je crois même que c'est plus insoutenable d'écouter uniquement le récit de cette torture que de le voir à l'écran. Oui, et, ou de voir l'acteur interprétant Bernard s'adresser au vieux Jean et lui faire le récit, évidemment, de ce qui pèse en lui, puisqu'il a dû assister et même participer à une séance de torture pendant la guerre d'Algérie à laquelle il a dû se rendre, évidemment. Or, évidemment, en 1963, lorsque le film est tourné, il n'est pas du tout d'usage de parler de la torture. Hein, donc, oui, la guerre est finie l'année d'avant, en 63. Elle est en train de se finir, ouais. Mais la censure demeure et l'interdit qui avait été d'ailleurs... dit contre le livre d'Henri Alleg consacré à la torture justement en Algérie qui s'appelle La Question demeure interdit, enfin l'interdit n'est pas levé encore, hein. Donc voilà les choses auxquelles s'intéresse dans l'histoire Alain Resnais, reconnaissant que ce sont souvent des oublis, hein, comme pouvait l'être le geste de tondre les femmes faisant partie pas tout à fait de la grande histoire. Ici, c'est la censure qui contribue, bien sûr, politiquement, idéologiquement, tout ce qu'on voudra, à taire la réalité de la torture, mais plus encore à taire la réalité qu'il y a une guerre. Hein, le terme n'était jamais employé par les médias à l'époque. On disait événement, enfin bon, c'était un peu flou. On refusait l'idée que ce soit une guerre d'indépendance d'un peuple. Tout cela, Resnais quand même ose l'affronter. Et là aussi, un petit peu à la façon d'Hiroshima, mais avec de tout autres moyens, on va dire stylistiques, il confronte cette réalité présente, celle de la guerre d'Algérie, dont on ne parle pas, à la différence d'Hiroshima, où quand même les manifestations diverses font que l'événement est absolument inoubliable, c'est le cas de le dire, à quelque chose qui est la Seconde Guerre mondiale qu'ont vécu les plus anciens personnages de l'histoire de Muriel, ou le temps d'un retour, notamment Hélène, interprétée par Delphine Seyrig, comme vous le rappeliez, et puis Alphonse, qui fut son premier amour, peut-être, quand elle était jeune, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Eux ont vécu ce genre d'histoire-là. Évidemment, ils n'ont pas vécu vraiment la guerre d'Algérie. C'est le lot des plus jeunes que représente notamment Bernard, le beau-fils d'Hélène, mais aussi ce personnage de Robert, dont on va apprendre qu'en fait, il vit dans Boulogne. Ce tortionnaire de Muriel vit dans Boulogne, et Resnais nous fait penser qu'il est sûrement un gars d'extrême droite, peut-être OAS, enfin bref, qu'il continue en paix de vivre ce qu'il a fait à l'époque de la guerre d'Algérie. Mais s'adressant au vieux Jean, qui est le personnage qui possède une sorte de maison, elle est difficile à décrire cette maison. C'est une sorte de grenier. Oui, voilà. Où Bernard occupe une sorte de grenier en haut d'un escalier. Voilà, dans lequel il se repose, voilà. Il se réfugie. C'est ça, c'est comme une sorte d'atelier, ou bien c'est un lieu secret où va le jeune homme, etc. Et c'est dans ce lieu, donc assez enfoui lui-même, qu'il fait le récit au seul vieux Jean, de ce que fut Muriel, nom dont il soupçonne qu'il a été attribué à la victime de la torture, soit qu'elle était algérienne et qu'elle avait un tout autre prénom, mais que par commodité ou ironie, n'oublions pas aussi l'ironie possible à ce moment-là des soldats, on avait baptisé Muriel, ou soit qu'elle était peut-être française, soutenant la guerre d'indépendance de l'Algérie. Mais il soupçonne que ce n'est pas son vrai prénom, qu'on l'a choisi pour aller vers quelque chose qui sublime un peu la femme, même alors que on est en train de la martyriser de la pire façon, corporellement, elle va être brûlée par des cigarettes, elle va connaître toutes les atrocités dont on a entendu le récit à l'instant. Et c'est là où Alain René nous montre que le cinéma ne fait pas qu'enregistrer, en fait, une mémoire, alors on l'a dit, officielle, connue, linéaire, mais ni d'ailleurs il ne construit une mémoire, on pourrait dire qu'il reconstruit des morceaux oubliés. Est-ce qu'on pourrait employer le terme de souvenir, comme le disait Jean-Luc Godard ? Parce qu'il ne s'agit pas vraiment de fabriquer des souvenirs dans ce cas-là, il s'agit de rappeler des traumatismes vécus par certains de ces personnages et peut-être certaines personnes qui seront ses spectateurs. Je crois qu'il s'intéresse là à... C'est pour ça que le mot « trou » arrive dans la bouche du vieux Jean, qui ne cherche pas à faire de style en disant cela. Il dit « moi, je ne sors pas de mon trou », mais tout à coup, on s'aperçoit que ce mot résonne avec les trous dans l'histoire. Et les trous de mémoire. Et du coup, les trous dans la mémoire, d'ailleurs, plus que les simples trous de mémoire, mais les trous dans la mémoire sont des trous dans l'histoire également, dans nombre de ces films dont nous parlons. C'est-à-dire, vous voyez, ils ont une autre résonance s'ils obéissent à une censure, s'ils obéissent à un non-dit, ou comme l'épuration qui fit acte de ces femmes tondues notamment, n'est qu'une une marge bien sûr humiliante, dégradante, tout ce qu'on voudra, mais qu'une marge au fond de la grande histoire. On est devant un cinéaste qui s'intéresse aux trous, vous voyez. Mais c'est très paradoxal, j'allais vous poser la question, comment on peut filmer l'oubli? Comment on peut montrer ce qui est absent, ce qui est perdu, ce qui a disparu? Comment on peut filmer des trous dans la mémoire? Ben justement, en faisant en sorte, soit dans la manière d'utiliser le langage, il faut dire qu'il s'adresse à de très grands écrivains, Marguerite Duras pour Hiroshima, mon amour. Alain Robrier, on l'entendra pour Marianne Bade. Oui, là on a affaire à Jean Quayrol, autre grand écrivain, et notamment écrivain du retour de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est lui qui est au scénario, si j'ose dire, pour Muriel ou Le Temps d'un retour. Et d'ailleurs, le mot de retour appartient au langage, à l'univers romanesque de Jean Quayrol. Et de René. Et de René, de fait, également, dans cette constellation dont nous avons parlé, qui constitue son rapport au temps. Et donc, moi, je crois que le trou est quelque chose qui le séduit, soit qu'il relève, encore une fois, d'une volonté officielle de l'histoire, soit que plus communément, il soit la partie, je dirais, du guet, dans lequel nous avançons pour traverser la réalité, pour traverser le temps, pour traverser le monde. Nous n'avons finalement pas la possibilité d'embrasser la totalité du temps, la totalité du monde ou la totalité de la réalité. Nous sommes contraints à la traverser à guet. Je vous propose, pour finir cette émission, Suzanne Liandraguic, d'écouter un extrait d'un troisième film d'Alain René, c'est l'année dernière à Marienbad. Souvenez-vous, c'était dans le jardin de Frédéric-Bad. Vous étiez seul à l'écart. Vous teniez un peu de biais contre une balustrade de pierre sur laquelle votre main était posée, le bras demi-étendu. Vous regardiez vers l'allée centrale. Je me suis avancé vers vous, mais je me suis arrêté à une certaine distance, et je vous ai regardé. Vous m'attendiez. Non. Pourquoi vous attendrais-je? Je vous ai moi-même attendu longtemps. Dans vos rêves? Et vous essayez à nouveau de vous échapper. Mais de quoi parlez-vous? Je ne comprends rien à ce que vous dites. Si c'était des rêves, pourquoi auriez-vous peur? Eh bien, racontez-moi donc la suite de notre histoire. Nous nous sommes revus dans l'après-midi du même jour. Par hasard, naturellement. Je me souviens de quelque chose que je n'ai jamais vu. Là, cette mémoire ne se propose pas de dépasser un oubli accidentel, elle se confronte à un oubli fondamental. Et en me souvenant de ce que je n'ai jamais vu, je ne triomphe pas d'un oubli fondamental, au contraire, je découvre le souvenir comme identique à cet oubli fondamental. Bien plus, je peux dire que l'oubli est l'objet d'une mémoire dite transcendantale. Alors c'est une trouvaille d'Isis Jourda et de Thomas Beaus, cette archive de Deleuze qui date d'avril 1986. C'est l'illustration, comment dire, on pourrait dire la compréhension la plus parfaite de ce qui se joue dans le cinéma d'Alain René et dans ce film l'année dernière à Marienbad qui date de 1961. Ce souvenir de ce que l'on n'a jamais vécu, de ce que l'on n'a jamais vu. Ça revient à ce que vous disiez, ce souvenir peut-être de ces trous dans la mémoire. Oui, alors ces trous dans la mémoire deviennent effectivement des trous de l'être, des trous tout à fait fondamentaux, comme vient de le dire Gilles Deleuze, n'est-ce pas? Et dans l'année dernière à Marienbad, René cumule les deux opérations dont nous avons parlé, à savoir la fragmentation. Hein, on passe sans cesse d'une robe blanche à une robe noire, d'une tenue de soirée à une tenue de cocktail. Enfin, Delphine Seyrig qui interprète la femme sans nom en plus. Hein, qui aurait été rencontrée par cet homme qui lui dit qu'il l'a aimé, mais on ne sait pas quand. Mmh. Elle ne s'en souvient pas, elle ne connaît pas l'histoire et pourtant elle en aurait été l'héroïne. Oui, et en même temps, elle dit souvent à plusieurs reprises que ce n'est pas possible. Je n'ai même jamais été à Frederiksbad, dit-elle, par exemple. Ou d'autres fois, elle conteste sur un point, disons, très matériel, très concret, la possibilité que cette histoire ait eu lieu. En revanche, il est fort possible qu'elle se laisse gagner par cette proposition que lui fait le personnage de X, n'est-ce pas, Alberto Albertazzi, qui lui offre quelque chose qui est comme un ajout à sa propre existence, qui est un ajout, alors on va dire, dans l'être, pas seulement concret et matériel, mais pourquoi n'auriez-vous pas connu, finalement c'est la proposition que lui fait le film, n'auriez-vous pas connu quelque chose de fondamental, comme dit Gilles Deleuze, que je vous propose sous ces termes-là, et qui font partie de peut-être une aspiration profonde. Il n'y a pas d'individu qui ne soit troué en quelque sorte, qui n'ait pas sa part d'incomplétude, pour ne pas parler d'imperfection qui donnerait tout de suite une tournure morale, mais tout simplement sa part d'incomplétude, et tout à coup il lui fait la proposition d'acquérir quelque chose qui soit de l'ordre, non pas tant de tel passé l'année dernière à Marienbad plutôt qu'à Frederiksbad ou plutôt que partout ailleurs d'ailleurs, hein, c'est pas ça qui importe, mais d'acquérir une nappe de passé supplémentaire. Hein. Oui, c'est-à-dire que des nappes de passé vont ainsi s'enrichir les unes les autres. L'oubli n'est pas une perte de la réalité. Dans ce cas-là, l'oubli fondamental dont fait l'expérience le personnage de Delphine Seyrig est une augmentation de la réalité. Absolument, une augmentation, un peu comme on pourrait dire que dans son rapport oubli-mémoire, dont on disait que c'était un peu les deux faces de la même chose, il y a une augmentation de la mémoire si l'on tient compte du fait qu'elle peut toujours s'enrichir des oublis que l'on va intégrer peu à peu. C'est l'histoire, par exemple, de la censure qui tombe à propos de la guerre d'Algérie à un certain moment sur ce qui concerne la torture. À ce moment-là, vous voyez, la mémoire de la guerre d'Algérie va s'enrichir, pas forcément positivement, il est vrai, mais s'enrichir au vrai sens du terme de cette réalité qu'on avait jusque-là écartée. Et sur un mode plus individuel, plus personnel, plus banal, osons le dire, car dans l'année dernière à Marienbad, ni Rob Grillet, ni Alain René n'ont envie de faire de place à la grande histoire, mais en revanche veulent montrer qu'il y a de l'enrichissement par justement le fait d'adopter, comme le suggère Gilles Deleuze, hein, un oubli fondamental à quelque chose que je n'ai même pas vécu, que je n'ai même pas connu. Peut-être que c'est pourquoi nous lisons, ou que c'est pourquoi nous allons au cinéma. Comme le dit Jean-Louis Schaeffer, le cinéma, c'est la mémoire des choses que nous n'avons pas vécues. Eh bien, admettons que nous soyons des êtres ordinaires qui ont besoin de cet enrichissement dont a parlé Gilles Deleuze, d'acquérir, pourquoi pas, des nappes de passé supplémentaires, puisque Gilles Deleuze utilise cette métamorphose qu'il appelle la transformation du boulanger pour dire comment sont malaxés les temps. Il l'en prend. Il n'y a même plus de temps. Il n'y a plus de temps. Si, il y a juste un espace. Au contraire, que du temps. Que du temps. Mais il n'y a pas de passé, présent, futur, hiérarchisé, ordonné, comme le voudrait notre rationalité peut-être, et comme le voudraient certaines disciplines, pourquoi pas, comme l'histoire qui met de l'ordre dans les choses, et c'est bien nécessaire aussi pour ne pas devenir peut-être trop souffrant, trop malaisé. Enfin. Mais nous empêche un peu de rêver comme le permet le cinéma en rajoutant voilà. Du temps. D'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'il s'agisse de rêve. Je crois vraiment qu'il s'agit de cette part, René le dit souvent, qui ne croit pas à la mémoire, qui ne pense pas qu'il a été un cinéaste de la mémoire, mais qu'en revanche, il s'intéresse beaucoup à l'imaginaire dans le réalisme. C'est-à-dire cette part du réalisme qui sans cesse croise avec nos aspirations, avec des possibilités, avec même du probable, du devenir, et non pas seulement avec ce qui concrètement s'est réalisé pour l'instant. Il y a une promesse comme ça de l'oubli qui est de nous offrir une acquisition, un enrichissement supplémentaire. Les regrets fillettes du pauvre poète se valsent musettes dans les caboulots. Se valsent musettes le pauvre poète pour les gigolettes et les gigolos. Dieu que je regrette mes larmes fillettes, ce vin malhonnête qui monte au cerveau. Y'a belle lurette que je n'ai plus cette fameuse piquette derrière mes fagots. Le pâle squelette de mes amourettes joue des castagnettes comme un hidalgo. La nuit est longuette du pauvre poète. Voyez mes poulettes, il a les grelots. Dans chaque guinguette, j'ai cherché Juliette. Je n'ai, je regrette, que trouver Margot. De ces amourettes que l'on pickpocket sous sa chemisette, j'en ai plein de veaux. S'il faut à perpète qu'à l'aube on regrette, vaut mieux qu'on s'arrête, mes petits oiseaux. Venez mignonnette dans mes oubliettes, que je vous y mette au pain et à l'eau. Les regrets fillettes du pauvre poète se valsent musettes dans les caboulots. Se valsent musettes le pauvre poète pour les gigolettes et les gigolos. On se quitte, Suzanne Yandragig, avec la chanson « Les oubliettes » de Serge Gainsbourg qui date, figurez-vous, de 1961, comme l'année dernière à Marienbad. Merci beaucoup à vous. De vous, on peut lire sur Alain René, donc Alain René, Liaison secrète, Accord, Vagabond, coécrit avec Jean-Louis Letra, que l'on trouve aux éditions Cahiers du cinéma. Et puis votre dernier ouvrage, paru aux éditions de l'Harmattan, Paris 1900 de Nicole Védresse, Kaléidoscope des jours, dans une collection qui est... Le parti pris du cinéma et dont Alain René, le jeune Alain René, en 1947, était l'assistant auprès de Nicole Védresse dans ce film Paris 1900. Et il fut le monteur d'un autre film de Nicole Védresse qui s'appelle Aux frontières de l'homme. Je voudrais surtout saluer Nicole Védresse qui fut un personnage de premier plan qu'on a un peu oublié mais qui fort heureusement... commence à sortir de nouveau de l'ombre. Eh bien, merci beaucoup, Suzanne Yandragig. On lira votre livre. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philo présenté cette semaine par Colomba Grossi. n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Colomba. Bonjour Géraldine, bonjour à tous. Alors de quoi nous parlez-vous ce matin ? D'un recueil d'articles qui s'appelle « Médecins et philosophes, une histoire », publié sous la direction de Claire Crignon et David Lefebvre aux éditions du CNRS, et qui s'intéresse au lien entre les deux disciplines que sont la philosophie et la médecine. Alors ce lien, on peut déjà l'établir parce qu'il y a eu dans l'histoire des penseurs qui ont porté une double casquette de médecin et de philosophe, la figure la plus connue étant Averroès au XIIe siècle, mais on peut aussi penser à Maïmonide à la même époque, ou plus proche de nous, à Georges Canguilhem. Mais même au-delà de ces personnalités, ce qu'on constate à la lecture de cet ouvrage, c'est qu'il est en fait assez difficile de trouver un philosophe qui n'aurait jamais réfléchi à ce qu'est la médecine, et qu'elle peut donc faire office de point de rencontre entre des œuvres qui a priori ne partagent pas grand-chose, ou qui ne datent pas du tout de la même époque. Et le premier mérite du livre, c'est de nous permettre de redécouvrir la pensée d'un auteur par un biais assez original, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir par exemple Locke ou Kant comme des grands penseurs de la médecine, alors qu'ils figurent bien dans le sommaire. Alors le parti pris des différents chapitres, c'est que le lien entre philosophie et médecine est abordé d'un point de vue épistémologique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à ce que les philosophes ont dit sur le statut scientifique de la médecine uniquement. On ne parle pas par exemple des principes de philosophie morale que les médecins devraient ou non respecter, et on ne se demande pas non plus si la philosophie peut servir de remède ou de médecine pour l'âme. La question posée c'est, est-ce que la médecine est une science? Et si oui, quel genre? Et est-ce que c'est une science autonome qui n'a pas besoin d'être éclairée par la philosophie? Ou est-ce qu'au contraire, elle demande à la philosophie de lui fournir ses principes? Et quelles sont alors les réponses des philosophes? Alors pour ce qui est du statut de la médecine, on peut par exemple rapprocher Platon et Averroès, parce qu'aucun des deux ne fait de la médecine une science exacte. Dans la mesure où elle a trait à la pratique et donc à l'imprévu, elle est une matière qui ne relève pas uniquement de la mesure et du calcul, et à propos de laquelle les avis divergent. Bonjour professeur, excusez-moi de vous déranger, enfin, j'espère que je ne vous dérange pas. Allez-y. C'est parce que j'étais avec le patient de la 34, et j'allais lui faire un bandage. Au dernier moment, je me suis dit, mais oh là là, avant de faire une bêtise pas professionnelle du tout, va donc demander l'avis du professeur Garnier. Mais bon, au fait, alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que le bandage, je le fais à l'horizontale ou à la verticale? Il y a deux écoles. Tu le fais et t'ennuies pas le professeur avec ça, d'accord? Excuse-moi si je demande l'avis d'un professionnel, ok? Merci. Horizontale, verticale, qu'est-ce que je fais? Bon, alors écoutez, horizontale, ouais. Et on n'en parle plus. Voilà. C'était un extrait de la série H, où l'on voit donc que le savoir médical n'exclut pas l'hésitation et l'approximation. Et on trouve quelque chose de similaire chez Averroès, qui lui écrit, je cite, « que l'art de la médecine est un art opératoire tiré de principes vrais, par lesquels on recherche la conservation de la santé du corps. Le but de cet art n'est pas de guérir obligatoirement, mais de faire ce qui est nécessaire selon la mesure qui convient et au moment qui convient. C'est donc parce qu'elle ne traite pas seulement de nombres qu'il y a parfois un écart, en médecine, entre le but, qui est soigner, et le résultat. Ce qui ne veut pas dire non plus que la médecine est une simple routine ou quelque chose que l'on pratique à l'aveugle, en suivant des règles dont on ne sait pas comment elles fonctionnent. Elle est un art, parce que le médecin possède une vraie connaissance, il sait que tel remède est susceptible de guérir telle maladie, et il sait pourquoi. Alors même si je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de tous les articles, on trouve ainsi dans ce volume une étude sur le médecin du XVIIIe siècle, Pierre-Jean-Georges Cabanis, qui lui a pensé une vraie complémentarité entre médecine et philosophie. Pour lui, c'est par la médecine que la philosophie deviendra une vraie connaissance de l'homme, mais c'est la philosophie qui donnera au médecin une méthode digne de ce nom et qui lui permettra d'être plus efficace et de se distinguer du charlatan. Le texte le plus surprenant reste quand même les indications diététiques dispensées par Kant à la fin de sa vie. Dans un texte intitulé « Le pouvoir de l'esprit humain de maîtriser ses sentiments morbides par une ferme résolution » et dans lequel il conseille, entre autres, de garder tête et pieds froids pour ne pas s'enrhumer ou de ne pas trop garder le lit, qui est, je cite, « le nid d'une foule de maladies ». Merci beaucoup Colomba. Alors là, les indications diététiques dispensées par Kant, je ne savais pas où est-ce qu'on peut trouver ce livre. C'est un document rare qui est dans « Médecins et philosophes, une histoire », publié sous la direction de Claire Crignon et David Lefebvre aux éditions du CNRS. Merci beaucoup. Le journal de la philo est à retrouver et à réécouter sur le site de France Culture. Et merci à toute l'équipe des Chemins de la Philosophie, Anaïs Isbert, Colomba Grossi, Isis Jourda, Mathieu Tarpin, Adèle Vendrette bien sûr, Hélène Losseur à la lecture des textes cette semaine, Thomas Beau à la réalisation, avec à la prise de son aujourd'hui Jacques Hubert. Et rendez-vous demain pour une émission spéciale. Oui, demain, vous retrouverez l'inoubliable Adèle Vendrette aux commandes du débat enregistré mardi dernier à la Sorbonne pour une philosophie des réseaux sociaux. Mais si vous souhaitez ne pas oublier les émissions de cette semaine, rendez-vous aussi sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie et sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram pour suivre nos programmes et avoir toutes les informations, bibliographies et références musicales de nos émissions.